Livre troisième. Vérité des Écritures, chute de l'homme. Chapitre premier. Supériorité de la tradition de Moïse sur toutes les autres cosmogonies. Il y a des vérités que personne ne conteste, quoi qu'on en puisse fournir des preuves immédiates. La rébellion et la chute de l'esprit d'orgueil, la création du monde, le bonheur primitif et le péché de l'homme sont au nombre de ces vérités. Il est impossible de croire qu'un mensonge absurde devienne une tradition universelle. Ouvrez les livres du second Zoroastre, les dialogues de Platon et ceux de Lucien, les traités moraux de Plutarque, les fastes des Chinois, la Bible des Hébreux, les Eddas des Scandinaves. Transportez-vous chez les nègres de l'Afrique ou chez les savants prêtres de l'Inde. Tous vous feront le récit des crimes du Dieu du mal. Tous vous peindront les temps trop courts du bonheur de l'homme et les longues calamités qui suivirent la perte de son innocence. Voltaire avance quelque part que nous avons la plus mauvaise copie de toutes les traditions sur l'origine du monde et sur les éléments physiques et moraux qui le composent. Préfère-t-il donc la cosmogonie des Égyptiens, le grand œuf ailé des prêtres de Thèbes? Voici ce que débite gravement le plus ancien des historiens après Moïse. Le principe de l'univers était un air sombre et tempétueux, un vent fait d'un air sombre et d'un turbulent chaos. Ce principe était sans bornes et n'avait eu pendant longtemps ni limite ni figure. Mais quand ce vent devint amoureux de ses propres principes, il en résulta une miction, et cette miction fut appelée désir ou amour. Cette miction, étant complète, devint le commencement de toute chose. Mais le vent ne connaissait point son propre ouvrage, la miction. Celle-ci engendra à son tour, avec le vent son père, Moth ou le Limon, et de celui-ci sortirent toutes les générations de l'univers. Si nous passons au philosophe grec, Thalès, fondateur de la secte ionique, reconnaissait l'eau comme principe universel. Platon prétendait que la divinité avait arrangé le monde, mais qu'elle n'avait pu le créer. Dieu, dit-il, a formé l'univers d'après le modèle existant de toute éternité en lui-même. Les objets visibles ne sont que les ombres des idées de Dieu, seule véritable substance. Dieu fit en outre couler un souffle de sa vie dans les êtres. Il en composa un troisième principe, à la fois esprit et matière, et ce principe est appelé l'âme du monde. Aristote raisonnait comme Platon sur l'origine de l'univers, mais il imagina le beau système de la chaîne des êtres, et, remontant d'action en action, il prouva qu'il existe quelque part un premier mobile. Zénon soutenait que le monde s'arrangea par sa propre énergie, que la nature est ce tout qui comprend tout, que ce tout se compose de deux principes, l'un actif, l'autre passif, non existants séparés, mais unis ensemble, que ces deux principes sont soumis à un troisième, la fatalité, que Dieu, la matière, la fatalité ne font qu'un, qu'ils composent à la fois les roues, le mouvement, les lois de la machine, et obéissent comme partie aux lois qu'ils dictent comme tout. Selon la philosophie d'Épicure, l'univers existe de toute éternité. Il n'y a que deux choses dans la nature, le corps et le vide. Les corps se composent de l'agrégation de parties de matière infiniment petites, les atomes, qui ont un mouvement interne, la gravité. Leur évolution se ferait dans le plan vertical si, par une loi particulière, ils ne décrivaient une ellipse dans le vide. Épicure supposa ce mouvement de déclinaison pour éviter le système des fatalistes, qui se reproduirait par le mouvement perpendiculaire de l'atome. Mais l'hypothèse est absurde, car si la déclinaison de l'atome est une loi, elle est de nécessité, et comment une cause obligée produira-t-elle un effet libre? La terre, le ciel, les planètes, les étoiles, les plantes, les minéraux, les animaux, en y comprenant l'homme, naquirent du concours fortuit de ces atomes. et lorsque la vertu productive du globe se fut évaporée, les races vivantes se perpétuèrent par la génération. Les membres des animaux formés au hasard n'avaient aucune destination particulière. L'oreille concave n'était point creusée pour entendre, l'œil convexe arrondi pour voir, mais ces organes se trouvant propres à ces différents usages, les animaux s'en servirent machinalement et de préférence à un autre sens. Après l'exposition de ces cosmogonies philosophiques, il serait inutile de parler de celle des poètes. Qui ne connaît Deucalion et Pyrrha, l'âge d'or et l'âge de fer? Quant aux traditions répandues chez les autres peuples de la Terre, dans l'Inde, un éléphant soutient le globe. Le soleil a tout fait au Pérou. Au Canada, le grand lièvre est le père du monde. Au Groenland, l'homme est sorti d'un coquillage. Enfin, la Scandinavie a vu naître Arcus et Emla. Odin leur donna l'âme, Hnerus, la raison, et les durs, le sang et la beauté. Ascum et Emlam, omni conatu destitutos, animam nec possidebant, rationem nec habebant, nec sanguinem, nec sermonem, nec faciem venustam, animam dedit odinus, rationem dedit enirus, ledur sanguinem adedit, et faciem venustam. Dans ces diverses cosmogonies, on est placé entre des contes d'enfants et des abstractions de philosophes. Si l'on était obligé de choisir, mieux vaudrait encore se décider pour les premiers. Pour découvrir l'original d'un tableau au milieu d'une foule de copies, il faut chercher celui qui, dans son unité ou la perfection de ses parties, décèle le génie du maître. C'est ce que nous trouvons dans la Genèse, originale de ses peintures reproduites dans les traditions des peuples. Quoi de plus naturel et cependant de plus magnifique? Quoi de plus facile à concevoir et de plus d'accord avec la raison de l'homme que le Créateur descendant dans la nuit antique pour faire la lumière avec une parole? Le soleil à l'instant se suspend dans les cieux, au centre d'une immense voûte d'azur. De ses invisibles réseaux, il enveloppe les planètes et les retient autour de lui comme sa proie. Les mers et les forêts commencent leur balancement sur le globe, et leur première voix s'élève pour annoncer à l'univers ce mariage de qui Dieu sera le prêtre, la terre, le lit nuptial, et le genre humain, la postérité. Chapitre 2. Chute de l'homme, le serpent, un mot hébreu. On est saisi d'admiration à cette autre vérité marquée dans les Écritures. L'homme mourant pour s'être empoisonné avec le fruit de vie. L'homme perdu pour avoir goûté au fruit de science, pour avoir su trop connaître le bien et le mal, pour avoir cessé d'être semblable à l'enfant de l'Évangile. Qu'on suppose toute autre défense de Dieu, relative à un penchant quelconque de l'âme. Que deviennent la sagesse et la profondeur de l'ordre du Très-Haut? Ce n'est plus qu'un caprice indigne de la divinité, et aucune moralité ne résulte de la désobéissance d'Adam. Toute l'histoire du monde, au contraire, découle de la loi imposée à notre premier père. Dieu a mis la science à sa portée. Il ne pouvait la lui refuser, puisque l'homme était né intelligent et libre. Mais il lui prédit que s'il veut trop savoir, la connaissance des choses sera sa mort et celle de sa postérité. Le secret de l'existence politique et morale des peuples, les mystères les plus profonds du cœur humain, sont renfermés dans la tradition de cet arbre admirable et funeste. Or, voici une suite très merveilleuse à cette défense de la sagesse. L'homme tombe, et c'est le démon de l'orgueil qui cause sa chute. L'orgueil emprunte la voie de l'amour pour le séduire. Et c'est pour une femme qu'Adam cherche à s'égaler à Dieu. Profond développement des deux premières passions du cœur, la vanité et l'amour. Bossuet, dans ses « Élévations à Dieu », où l'on retrouve souvent l'auteur des oraisons funèbres, dit, en parlant du mystère du serpent, que « les anges conversaient avec l'homme, en telle forme que Dieu permettait, et sous la figure des animaux. Ève, donc, ne fut point surprise d'entendre parler le serpent, comme elle ne le fut pas de voir Dieu même paraître sous une forme sensible. Bossuet ajoute, « Pourquoi Dieu détermina-t-il l'ange superbe à paraître sous cette forme plutôt que sous une autre ?» Quoiqu'il ne soit pas nécessaire de le savoir, l'Écriture nous l'insinue en disant que le serpent était le plus fin de tous les animaux, c'est-à-dire celui qui représentait mieux le démon dans sa malice, dans ses embûches, et ensuite dans son supplice. Notre siècle rejette avec hauteur tout ce qui tient de la merveille. Mais le serpent a souvent été l'objet de nos observations, et si nous osons le dire, nous avons cru reconnaître en lui cet esprit pernicieux et cette subtilité que lui attribue l'Écriture. Tout est mystérieux, caché, étonnant dans cet incompréhensible reptile. Ses mouvements diffèrent de ceux de tous les autres animaux. On ne saurait dire où gît le principe de son déplacement, car il n'a ni nageoire, ni pied, ni aile. Et cependant, il fuit comme une ombre. Il s'évanouit magiquement. Il reparaît et disparaît ensuite, semblable à une petite fumée d'azur et aux éclairs d'un glaive dans les ténèbres. Tantôt, il se forme en cercle et darde une langue de feu. Tantôt, debout sur l'extrémité de sa queue, il marche dans une attitude perpendiculaire, comme par enchantement. Il se jette en orbe, monte et s'abaisse en spirale, roule ses anneaux comme une onde, circule sur les branches des arbres, glisse sous l'herbe des prairies ou sur la surface des eaux. Ses couleurs sont aussi peu déterminées que sa marche. Elles changent aux divers aspects de la lumière et, comme ses mouvements, elles ont le faux brillant et les variétés trompeuses de la séduction. Plus étonnant encore dans le reste de ses mœurs, il sait, ainsi qu'un homme souillé de meurtre, jeter à l'écart sa robe tachée de sang, dans la crainte d'être reconnu. Par une étrange faculté, il peut faire rentrer dans son sein les petits monstres que l'amour en a fait sortir. Il sommeille des mois entiers, fréquente des tombeaux, habite des lieux inconnus, compose des poisons qui glacent, brûlent ou tachent le corps de sa victime des couleurs dont il est lui-même marqué. Là, il lève deux têtes menaçantes. Ici, il fait entendre une sonnette. Il siffle comme un aigle de montagne. Il mugit comme un taureau. Il s'associe naturellement aux idées morales ou religieuses, comme par une suite de l'influence qu'il eut sur nos destinées. Objet d'horreur ou d'admiration, les hommes ont pour lui une haine implacable ou tombent devant son génie. Le mensonge l'appelle, la prudence le réclame, l'envie le porte dans son cœur et l'éloquence à son caducé. Aux enfers, il arme les fouets des furies. Au ciel, l'éternité en fait son symbole. Il possède encore l'art de séduire l'innocence. Ses regards enchantent les oiseaux dans les airs et sous la fougère de la crèche. La brebis lui abandonne son lait. Mais il se laisse lui-même charmer par de doux sons, et pour le dompter, le berger n'a besoin que de sa flûte. Au mois de juillet 1791, nous voyagions dans le Haut-Canada avec quelques familles sauvages de la nation des Onontagués. Un jour que nous étions arrêtés dans une grande plaine, au bord de la rivière Genésie, un serpent à sonnette entra dans notre camp. Il y avait parmi nous un Canadien qui jouait de la flûte. Il voulut nous divertir et s'avança contre le serpent avec son arme d'une nouvelle espèce. À l'approche de son ennemi, le reptile se forme en spirale, aplatit sa tête, enfle ses joues, contracte ses lèvres, découvre ses dents empoisonnées et sa gueule sanglante. Il brandit sa double langue comme deux flammes. Ses yeux sont de charbons ardents. Son corps gonflé de rage s'abaisse et s'élève comme les soufflets d'une forge. Sa peau dilatée devient terne et écailleuse, et sa queue, dont il sort un bruit sinistre, oscille avec tant de rapidité qu'elle ressemble à une légère vapeur. Alors le Canadien commence à jouer sur sa flûte. Le serpent fait un mouvement de surprise et retire sa tête en arrière. À mesure qu'il est frappé de l'effet magique, ses yeux perdent leur âpreté. Les vibrations de sa queue se ralentissent et le bruit qu'elle fait entendre s'affaiblit et meurt peu à peu. Moins perpendiculaires sur leur ligne spirale, les orbes du serpent charmé s'élargissent et viennent, tour à tour, se poser sur la terre, en cercle concentrique. Les nuances d'azur, de vert, de blanc et d'or reprennent leur éclat sur sa peau frémissante et, tournant légèrement la tête, il demeure immobile, dans l'attitude de l'attention et du plaisir. Dans ce moment, le Canadien marche quelques pas en tirant de sa flûte des sons doux et monotones. Le reptile baisse son cou nuancé, entr'ouvre avec sa tête les herbes fines et se met à ramper sur les traces du musicien qui l'entraîne, s'arrêtant lorsqu'il s'arrête et recommençant à le suivre quand il commence à s'éloigner. Il fut ainsi conduit hors de notre camp, au milieu d'une foule de spectateurs, tant sauvages qu'européens, qui en croyaient à peine leurs yeux. À cette merveille de la mélodie, il n'y eut qu'une seule voix dans l'assemblée, pour qu'on laissât le merveilleux serpent s'échapper. À cette sorte d'éducation, tirée des mœurs du serpent, en faveur des vérités de l'Écriture, nous en ajouterions une autre, empruntée d'un mot hébreu. N'est-il pas fort extraordinaire et en même temps bien philosophique, que le nom générique de l'homme, en hébreu, signifie « la fièvre » ou « la douleur ». Enosh, homme, vient par sa racine du verbe « anash », être dangereusement malade. Dieu n'avait point donné ce nom à notre premier père, il l'appelait simplement Adam, terre rouge ou limon. Ce ne fut qu'après le péché que la postérité d'Adam prit ce nom d'Enosh ou d'homme, qui convenait si parfaitement à ses misères et qui rappelait d'une manière bien éloquente et la faute et le châtiment. Peut-être, dans un mouvement d'angoisse, Adam, témoin des labeurs de son épouse et recevant dans ses bras Caïn, son premier-né, l'éleva vers le ciel en s'écriant « Enosh, ô douleur !» Triste exclamation par laquelle on aura par la suite désigné la race humaine.